Bonjour à toutes et à tous, c'est Aurélien. On se retrouve cette semaine sur Radio Gamozo pour un nouveau coup de cœur. Et cette semaine, je vais vous parler de Homestuck. Donc Homestuck est un webcomic écrit par Andrew Hussey en 2009. Et cette œuvre, elle se distingue particulièrement par sa mise en page assez particulière, faite sous forme d'images, de gifs, sous forme de jeux vidéo si vous voulez, ou d'animation associée à la narration, tout en ayant une forme de pièce de théâtre si vous voulez. Donc c'est assez marrant parce qu'on a plein de petites images de gifs en dessous un texte, une BD quoi en fait. Hein. Et l'intrigue de ce webcomic est franchement assez complexe, du fait de son nombre de pages déjà, hein, faut quand même avouer qu'elle en est à plus de 8100. Normalement il est fini mais l'auteur a promis un épilogue. Donc ça fait beaucoup de pages à ingurgiter, du fait de ces nombreuses pages, des voyages dans le temps, parce qu'il y a plusieurs voyages dans le temps, ça fiche le bazar pas mal, et du basculement de point de vue, parce qu'on a aussi plusieurs points de vue. Il y a, je sais plus combien de persos, il y en a plus de 4 déjà, et du coup ça rajoute encore de la complexité à vraiment bien comprendre le roman. Si vous voulez, moi je suis à peine à la page 100, j'ai dû lire ces 100 pages deux fois pour vraiment bien comprendre, sachant que le premier site n'était pas génial. Donc je précise tout de suite que de base la BD est anglaise et que si vous voulez la lire, il y a pas mal de sites de traduction, mais que la traduction est des fois laisse à désirer. Donc si vous voulez le lire, n'allez déjà pas, selon moi, sur le premier site, donc Homestuck officiel, la traduction est moyenne, allez sur Homestuck.fr, c'est celle que je comprends le mieux, parce qu'au début je comprenais pas tout. Hein. Déjà de base, le webcomic est compliqué à comprendre, il est franchement marrant, au bout de la page 1000 ou 2000 il part totalement en live, c'est n'importe quoi, mais, et c'est mes potes qui m'ont dit, si vous comprenez déjà pas la traduction, vous paumez et vous n'allez pas avoir envie de lire la suite, ce qui serait franchement dommage. Donc Homestuck est de cette façon axé quasi exclusivement et ancré dans la culture d'Internet. Ça parle pas mal de jeux vidéo. Le synopsis, c'est en fait Homestuck, ça commence le jour du 13e anniversaire de John Egbert. Nom tout à fait bizarre, enfin selon moi, à prononcer. Donc, où le jeu, en fait, il reçoit une copie bêta d'un jeu vidéo appelé Sburb. Nom bizarre aussi pour un jeu vidéo. Voilà. Et en installant et exécutant le jeu sur son ordinateur, John déclenche une pluie de météorites sur sa maison. Bah ouais, logique. Voilà. Et tout comme chaque joueur est rêvé à ce point du jeu, mais vraiment dans l'imprévu par contre, il y a vraiment une des météorites qui tombe sur sa baraque, il ne survit qu'en étant transporté de justesse sur une autre planète. Ce qui l'immerge complètement dans le monde de Sburb. Donc dans le jeu en fait. Ça fait un petit peu penser à Jumanji, vous voyez, quand ils ouvrent la cassette et qu'ils, poum, ils sont transportés dans le jeu. Tandis qu'il a aussi des amis, donc je vous parlais tout à l'heure. Donc les amis de John, donc Rose, Dave et Jade, donc quatre de ses amis, ils rejoignent eux aussi le jeu et ils apprennent qu'ils ont involontairement déclenché la fin du monde. Super bien. Et qu'il est de leur devoir de jouer au jeu et ainsi de poursuivre l'histoire jusqu'à sa fin. Mais alors, que va-t-il se passer dans la suite de ce livre pour que ça dure 8000 pages? Et vont-ils réussir finalement à sauver le monde, même si il doit quand même être détruit? Bah, vous saurez en lisant le webcomic, hein, je ne vais pas vous le dire, parce que moi-même je ne le sais pas et je n'ai pas envie de me spoiler. Donc si vous ne savez pas quoi faire, si vous aimez lire, si vous aimez les livres qui partent totalement en live, hein, arriver 2000 pages, si vous n'avez pas peur de lire, oui, parce qu'il y en a beaucoup, et si vous aimez tout ce qui est science-fiction, fantasy, parce qu'il y a des histoires de trolls et compagnie, le côté vraiment jeu vidéo, il y a moyen de refaire des RP derrière, donc des RP c'est des sortes de jeux de rôle si vous voulez, une fois qu'on a lu ça, et bien franchement, cette série, elle est pour vous, vous allez l'adorer. Bon, outre le fait qu'elle soit longue et que ça nécessite aussi un PC, parce qu'à un moment, assez avancé dans l'histoire, il vous faudra faire des flashcodes, je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'est beaucoup plus pratique sur PC d'en faire que sur téléphone. Donc ça nécessitera un PC à un moment. Ça nécessitera surtout beaucoup de votre temps, parce que ça prend quand même longtemps. Même si la moitié de la page, si vous voulez, est occupée par des petites gifs de 10, 15, 20 secondes, et par des images, parce que c'est quand même une petite BD, il y a quand même pas mal de texte. En sachant que parallèlement à l'histoire, sur chaque personnage, c'est des petits afters à l'histoire et compagnie, donc ça en rajoute encore. Donc là, je dis 8000 pages, mais je parle que de l'histoire, parce qu'on a encore plein de précisions à côté. Donc vous n'avez pas fini si vous avez décidé de vous mettre dans l'univers d'Homestuck. Donc on récapitule, Homestuck, c'est un super webcomic écrit par Andrew Hussey qui fait plus de 8000 pages et qui est plus axé sur de la science-fiction très très longue. Donc ma foi, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Gamozo. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Gamozo. Et je vous annonce tout de suite quelque chose, c'est que la semaine prochaine, l'émission durera sûrement plus longtemps car je parlais d'un salon de réalité virtuelle, mais j'ai réussi à obtenir une interview de l'organisateur du salon. Donc il organise ce salon et plusieurs salons de réalité virtuelle, et l'interview durera approximativement 5-10 minutes. Donc si ça vous intéresse, prévoyez un petit laps de temps de 10 minutes la semaine prochaine, lundi prochain, voilà. Bon bah on se retrouve lundi prochain, même radio, même heure, sur Radio Gamozo. Au revoir.